Qu'est-ce qui passe, mec? Ton petit copain, il va retrouver une meilleure combine, et vite. Je suis pas venu ici pour me foutre les mains dans la merde. Mes mains sont des gonfards. Les mains sont égonfables. Les mains sont égonfables. Les mains sont égonfables. 18 ans déjà, j'essaie de m'engager sur l'hémorragie. J'effacerai les notes des zéros, j'en ai une pleine malle. J'affirmerai toutes les promesses de ce passé. Ma tête qui bourdonne devant ce mur de larmes empoisonnées. Bon, là, c'est pas bon, pas bon du tout. Bon allez, je reprends. Casser tout, briser des miroirs, reflète mon image. De quoi j'ai l'air un ange, sans sa belle face, bien dommage. Nos belles mains salées d'une usure trompée par nos oui. Ces années de naufrage ont basculé ma chaîne de vie. J'avance donc, je vous fais une simple confidence. Il semble que ma vie résonne comme un pas de danse. Les mains sont des gonfards. Les mains sont des gonfards. Les mains sont des gonfards. Les mains sont des gonfards. Je décuple mes forces, j'ai la rage, une bête féroce. Mes armes de bataille sont ma fougue et mon sixième sens, qui déclenche au fond de moi sans doute l'indépendance. Qu'a percé mon enfance d'une triste adolescence. Ne pas rester les bras croisés, sinon je risque bien de m'effondrer. Déjà noyé dans un grave verre alcoolisé. Un whisky, le cerveau légèrement largué, abruti par ces mots qui n'en finissent plus de me faire chier. Chaque jour est un combat contre la vie sur cette longue route. Au bout de cette voie, la fin des années de déroute. À la lumière d'une chandelle qui m'éclaire tous les soirs, j'écris ces quelques lignes, mes mains remplies de désespoir. Faut voir au sens y voir, tête baissée, seul un petit espoir me ramène à me dire qu'il faut toujours y croire. Les mains sont des gonfards. Les mains sont des gonfards. Les mains sont des gonfards. Les mains sont des gonfards. Combatif, combattant, je rentre en guerre contre la lassitude. Mes notes plus légères, voilà ma face, c'est une certitude. Trafiquant toujours pour s'en sortir, j'aurai bien tort de me passer de service, de peu d'amis qu'il me reste encore. Travaille à la chaîne, j'enchaîne la routine. Et si cela me gêne, je n'ai qu'à tout refaire en piétinant peut-être sur un petit tas de bresses. C'est dur, mais quand j'y pense, je fonce. Doucement, j'avance vers une certaine reconnaissance. Cassant le temps sans pour autant ces mots balayés par le vent, méprisé par ces gens. Mes larmes ne seront jamais couleur de mon sang, c'est con, mais je le sens.